J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Paris Soir, 18 juin 1939. Weidmann, cinq fois assassin, a expié ses crimes ce matin à 4h32. L'échafaud est dressé. La bascule est montée. Les boîtes remplies de sang qui recevront la tête et le corps du supplicié sont ajustées au montant. Et soudain le ciel, jusqu'alors lourd et obscur, s'éclaircit. Est-ce le lever du jour ? Il est 3 heures. Alors une excitation répugnante s'empare de la populace massée derrière les barrages de police. De nouveau des clameurs s'élèvent, des coups de sifflet retentissent. Tandis que le bourreau et ses aides continuent en silence leur besogne, la foule épie la façade morte de la prison. Dès qu'une fenêtre s'éclaire au rez-de-chaussée, une rumeur s'élève. Le voilà ! Non. C'est seulement la salle du greffe qui vient de s'éclairer. 3h30. Un groupe s'approche de la prison. On reconnaît le procureur de la République, M. Balmary, le juge d'instruction, M. Berry, le substitut, M. Roland, et les défenseurs de Weidmann, Maître Demoreau-Diaferi, Planty, René Jardin et Raoult. Pendant près de 3 quarts d'heure, ils resteront là, dans le petit jour glacial, piétinant entre l'échafaud et le mur de la prison. Une rumeur s'élève. Les magistrats se dirigent vers la prison. Un portillon s'ouvre et se referme sur eux. Par les couloirs, le groupe silencieux, conduit par le directeur de la prison, se rend au quartier des condamnés à mort. La cellule de Weidmann est là. Une clé grince dans la serrure. Le misérable qui était étendu sur son lit, les yeux grands ouverts, s'est dressé. Le premier visage qu'il aperçoit est celui de son défenseur, Mademoiselle Jardin. Elle se penche sur lui, les yeux brouillés de larmes, et l'embrasse. C'est le dernier geste de tendresse humaine que connaîtra Weidmann. Weidmann, ayez du courage, l'heure est venue. Le procureur de la République a prononcé ces paroles rituelles d'une voix sourde. « Je vous attendais, » répond Weidmann. Il est très pâle, d'un calme terrifiant. Les magistrats lui posent d'ultimes questions. À la demande de la famille de l'infortuné Jean de Coven, Maître Demoreau-Diaferi prie Weidmann de lui dire quelle fut son attitude à l'égard de sa victime. « Je n'ai jamais fait un geste ou prononcé une parole qui puisse attenter à l'honneur de cette jeune fille, » répond-il. Et il ajoute « Je suis heureux de pouvoir faire cet aveu qui soulage ma conscience. » L'aumônier s'approche de Weidmann et lui parle à voix basse. Puis, le soutenant, il l'entraîne dans la chapelle où le condamné a demandé à entendre la messe. C'est ensuite la toilette du supplicié. Les ciseaux mordent l'épaisse chevelure noire. Il déchire la chemise de fin tissu bleu et découvre les épaules. Weidmann est prêt. Les bras et les chevilles garrottés, roidis, il est soulevé, emporté par les aides. Les deux battants de la prison s'ouvrent d'un coup. Il fait grand jour. L'apparition de Weidmann est fulgurante. Grand, mince, il est livide. Une face de cire sous le casque des cheveux noirs. Des yeux qui s'affolent, balaient la foule et se heurtent à l'échafaud. À peine l'a-t-on vu qu'il est poussé en avant, rejeté sur la bascule. Il chavire, deux aides le poussent, un autre l'empoigne par les cheveux. Le couperet glisse avec un bruit mou, tombe, rebondit. C'est fait. Avec une rapidité extraordinaire, la tête et le corps sont jetés dans le son. Un cercueil noir est tiré du fourgon. La voiture s'ébranle. Tandis que les aides jettent des seaux d'eau sur la machine, la voiture roule vers le cimetière des Gonards où le corps sera inhumé. Il est un geste de Weidmann qui demeure mystérieux. Au moment de quitter sa cellule, il a remis à Maître Jardin une longue enveloppe en lui disant « Je désire que ceci soit enfoui avec moi. » Est-ce son secret que Weidmann a confié à la tombe ?